الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bon, nous sommes arrivés aujourd'hui au 14e dars de cette série de leçons de l'Itqan de l'imam Suyuti. Alors, la dernière fois, on a défini. On a défini la qira'a, ce que veut dire la qira'a, et on a parlé aussi des conditions de l'acceptation d'une qira'a, à savoir la conformité à la graphie des mushaf de Othman, la conformité à la langue arabe et surtout la question de l'authenticité. Nous avons parlé aussi des classements des qira'at selon leur degré canonique, selon leur authenticité. Ça, j'ai dit que l'imam Suyuti il a traité sous le 22e, le 23e jusqu'au 27e chapitre de son Itqan, c'est-à-dire la connaissance des qira'at établies selon des chaînes multiples de rapporteurs, celles rapportées par plus d'une chaîne, mashhour, celles établies par une seule chaîne, les qira'at marginales, les fausses qira'at et les qira'at mélangées avec des mots qui ne font pas partie du Coran. Ça, nous en avons parlé la dernière fois. Et sous ces chapitres-là, Suyuti, il a traité la question de la basmala, de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réfuté ceux qui disent que la basmala, cette formule, n'est pas établie nous selon une multiplicité de témoignages concordants, c'est-à-dire et ne fait pas partie du Coran. Il n'est pas établi par le tawatur. Et lui, il a réfuté cet avis, qui est l'avis des malikites notamment, et il a dit non, elle est rapportée selon des multiples chaînes de transmission, et elle se trouve écrite dans le mushaf des compagnons, dans le mushaf l'imam, de Othman. Donc s'il ne faisait pas partie du Coran, les compagnons ne l'auraient pas écrite et mettre ainsi la communauté dans la confusion. Et il a répondu à ceux qui disent que la basmala a été écrite juste pour distinguer une sourate de la sourate qui la suit. Il a dit, si c'était ainsi, les compagnons l'auraient écrite entre la sourate Tauba et la sourate Anfal. La sourate 8 et la sourate 9, la basmala n'a pas été écrite. Et si c'était ainsi, c'est comme vous le supposez, dans ce cas, ils vont mettre la basmala entre ces deux sourates, mais ils ne l'ont pas mise. Et pour résumer, je dis que la basmala fait partie du Coran. Elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que passage du Coran. La preuve, c'est qu'Abu Daoud, Al-Hakim et d'autres, ils rapportent qu'Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait la fin d'une sourate que lorsqu'il recevait comme révélation la formule Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Al-Bazzar, un autre traditionniste, un autre muhaddith, ajoute que lorsque cette formule, la basmala, lui est révélée, il sait que la sourate est terminée et une nouvelle sourate lui est révélée. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il qualifie d'authentique ce hadith-là dans Sahih Sunan Abi Dawud et Sahih Al-Jami'. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens. Il y a beaucoup de hadiths. Et on distingue trois madhhab à ce sujet. Trois madhhab. C'est que le premier, il dit, il ne fait pas partie du Coran. Sauf dans la sourate Les Fourmis, sourate An-Naml, la sourate 27. Il y a un avis qui dit ça. Savoir le madhhab de l'imam Malik et certains hanafites. Ils disent, il ne fait pas partie du Coran, sauf une partie du verset de la sourate An-Naml. Dans la sourate An-Naml, Innahu min Sulayman, wa innahu bismillahir rahmanir rahim, alla ta'lu alayya wa atuni. Muslimin. Dans surat les fourmis, nous trouvons cette formule à l'intérieur de cette surat. Le deuxième madhhab, c'est que c'est un verset de toute surat ou une partie d'un verset. C'est un verset de toute surat ou une partie. Ça, c'est le madhhab de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire, chaque surat, il en fait partie. Du moment qu'il est précédé, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ce passage fait partie de la surat al-Fatiha, il fait partie de surat al-Baqarah, Al-Imran, ainsi de suite. Sauf la Tawba, bien sûr, Surat Bara'a, Surat 9. Le troisième madhab, il fait partie du Coran, puisqu'il a été écrit dans le Mus'haf, et il ne fait pas partie des Surat, un verset, c'est-à-dire un verset indépendant. La preuve, c'est que le prophète sallam l'a récité quand la Surat al-Kawthar, l'abondance, la Surat al-Kawthar, lui fut révélée. Une surat, il a dit, une surat me fut révélée tout à l'heure, dans Muslim. Il a dit, une surat me fut révélée tout à l'heure, et puis il a commencé, il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna a'tayna kal-kawthar. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons accordé le kawthar. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et d'Ibn al-Mubarak et d'un groupe de Hanafites. Le Cheikh al-Albani soutient cet avis. Si vous voulez le voir, c'est dans son livre Asl Sifat Salat al-Nabi. Asl Sifat Salat al-Nabi. À ne pas confondre avec le livre qui se vend maintenant, avec Sifat Salat al-Nabi. Là, c'est Asl Sifat Salat al-Nabi. Il est en trois volumes. Lien entre la Qira'a. Bon, ça c'est, je crois que c'est compris. C'est-à-dire que c'est un verset indépendant. Il ne fait pas partie des sourates, sauf la sourate bien sûr de Naml, sourate les fourmis. Il ne fait pas partie, mais c'est un verset du Coran. C'est un verset du Coran. Nous allons passer au lien entre la qira'a et le Coran. La qira'a, comme j'ai dit, traite des variantes, des différents modes de prononciation. Différence de l'écriture de certains mots. C'est une science du khilaf. Quand il n'y a pas de variante, on parle de Coran. On parle de Coran. Quand il n'y a pas de variante, par exemple, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ, ça c'est Coran. اللَّهُ الصَّمَدُ, ça c'est Coran. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, ça c'est Coran. Hein? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, ça c'est qira'a, qira'at Hafs. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, ça c'est warsh, nafi'. كُفْأَنْ أَحَدْ, ça c'est qira'at Hamza, qira'at Ya'qub et qira'at Khalaf, ça c'est qira'at. Parce qu'il y a des variantes ici en ce qui concerne kufuwan. Il y en a qui disent Kufuwa. Là, je m'arrête sur Kufuwa pour ne pas le lier avec le reste, parce que ça va sortir une autre règle entre Kufuwan et Ahad. Hein? Est-ce qu'on enlève la Hamza? Est-ce qu'on n'enlève pas Kufuwa? Si on s'arrête sur Kufuwa, Lam yakullahu Kufuwa. Ça, c'est Hafs. Lam yakullahu Kufuwa. Kufa. Lam yakullahu Kufuwa. Ça, c'est Warsh. Warsh. Lam yakul lahu kuf'a. Ça c'est Ya'qub et Khalaf. Kufa Hamza. Donc ça c'est des qira'at. Mais qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, ça c'est du Coran. C'est bon? C'est ça la différence entre qira'a et Coran. Toute qira'a authentique est Coran. Et tout passage du Coran qui peut être lu de différentes manières est qira'a. Il y a entre eux un lien. Le Coran, voilà, c'est ce qui fait la différence, si vous voulez. Et quand on parle de qira'a, c'est toujours certains passages qui font l'objet de divergences entre les qira'a. La plupart du Coran, ils sont d'accord là-dessus, mais certains passages, différence de prolongation d'une voyelle, de prononciation du hamza ou de sa non-prononciation, du med, etc. Ça, on parle de qira'a. C'est pas tout le Coran. Le Coran est mutawatir, il est authentique. Rien à dire là-dessus. Mais parmi les qira'at, il y a celles qui sont authentiques, il y a celles qui sont marginales, celles rapportées selon une ou deux chaînes, les qira'at qui sont récusées. C'est bon? Donc, ça c'est concernant le lien entre qira'a et Qur'an. Méditez avec moi le grand intérêt dont les savants ont entouré le Coran, allant jusqu'à préserver même les qira'at qui ne sont pas authentiques. les qiraat qui sont marginales. Alhamdulillah, même les qiraat de faible autorité et les fausses qiraat sont recensées, sont connues. On connaît en quoi ils diffèrent du Coran. Ceux qui les ont rapportés, on connaît beaucoup de choses là-dessus. Tout est clair, subhanallah, dans notre religion. Hajib. Maintenant, les sagesses qui résident dans l'existence de différentes qiraat. Les avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Siyuti, il en a cité quelques-unes. Ibn al-Jazari aussi dans Nashr, fil qiraat al-Ashr. Et aussi Zarqani dans Manah al-Irfan et d'autres. Parmi ces sagesses-là, c'est l'existence, c'est les qiraat, leur diversité, c'est une preuve évidente que le Coran est la parole d'Allah. Il comporte plusieurs variantes et il n'y a aucune contradiction entre elles, subhanallah. Elles se complètent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas le Coran? S'il émanait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient alors nécessairement de nombreuses contradictions. Là, dans surat Nisa. Différentes qiraat, Nafi' avec plusieurs riwayat, Warsh, Qaloun et d'autres, Asim avec ses riwayat, Abu Amr, Ibn Amir pareil, Ibn Kathir al-Makki, et pas la moindre contradiction. Comme autre sagesse, ces diversités de ces qiraat, c'est une preuve évidente que Muhammad est un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré les multiples modes d'articulation des mots et des lettres du Coran, il les a transmises sallallahu alayhi wa sallam comme il les a reçus. Si c'était l'œuvre d'un humain, un homme qui n'a jamais écrit de livre auparavant et qui tout d'un coup nous sort un chef-d'œuvre, ça a besoin d'explication, n'est-ce pas? En plus de cela, il déclare que son livre qu'il n'a pas écrit de sa main et qu'il n'a fait que dicter, que le dicter sera préservé de toute altération. Ça a besoin aussi d'explications. Il faut nous expliquer comment. En plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se complique la tâche et il le dicte selon cette variante de lecture. Ça, il faut nous l'expliquer aussi. Et en plus, il dicte les versets du Coran avec leur parfaite éloquence et leur vibration qui secoue les cœurs, et quelques temps après, ben, il cite des hadiths qui sont moins éloquents et qui n'ont pas le même effet captivant. Ça, il faut nous l'expliquer aussi. Il reçoit la révélation, il dicte des versets, ça, subhanallah, des versets avec une parfaite éloquence, et deux secondes après, il parle normalement et il cite des hadiths avec sa propre langue, avec sa propre éloquence, qui diffère de celle du Coran. Donc ça, il faut nous l'expliquer. Donc ça prouve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète venu d'Allah, que le Coran est une révélation. Troisième sagesse, c'est que preuve de la grandeur de notre communauté qui a reçu le Coran avec ses différents ahraf et variantes, et les a retenus et les a enregistrés et les a entourés d'une attention particulière, comme je vous ai dit, et l'a préservé même les qiraat non canonisés. Hein? Tellement le Coran est cher au cœur de nos savants qu'ils ont consigné dans les livres, même les qiraat dont l'authenticité n'est pas sûre. Et aussi pour préserver le Coran de l'introduction de fausses qiraat. Ça, c'est un privilège par lequel notre communauté se distingue des autres communautés. Et n'a pas préservé un seul livre selon un mode de lecture, non, selon des dizaines et plus de modes de prononciation avec leurs nuances phonétiques. Quatrièmement, diversité, une preuve que le Coran a été préservé de toute altération et de toute modification. Malgré ces différents ahraf et ces différents modes de prononciation, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr et c'est nous qui en assurons la garde, comme a dit dans Surat al-Hijr. Il n'y a pas de mystère dans notre religion, il n'y a pas de mythologie. Même concernant le mystère et tout, concernant le ghaib, le jour dernier, et tout ce que nous n'entendons pas sous nos sens, il y a 1000 preuves de leur existence. Nous avons 1000 preuves que le jour dernier existe. Nous avons 1000 preuves que le châtiment ou la félicité de la tombe existe. La personne, il dort, il fait des cauchemars, son âme est tourmentée. Ça, c'est une preuve de l'existence du monde des limbes, du barzakh. Nous avons 1000 preuves de toutes choses qui concernent le ghaib, qui le monde invisible. Tout, subhanallah, est intelligible dans notre religion. Il n'y a pas de mythologie dans notre religion. Ça n'existe pas. Les mythologies, les mystères, tout est clair. Et il n'y a pas de fatalisme dans notre religion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala garantit la préservation du Coran, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit descendu, le Coran descende du ciel dans une boîte en or, avec une clé en or que personne ne peut reproduire. Ensuite, il a donné la clé à Jibril, et Jibril a donné la clé à Muhammad. Non, non, non, il ne faut pas penser sans intervention de qui que ce soit. Non, non, non, non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr et c'est nous qui le préservons de toute altération. Cela veut dire que la communauté va se mobiliser pour le préserver et mériter ainsi la récompense divine et le privilège d'être la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qui était sortie aux hommes. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. Nous avons fait de vous une communauté médiane. Médiane, c'est la meilleure, وسط, pour que vous soyez témoins aux gens. Telle est la norme d'Allah, telle est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran est un moyen. Comme a dit le prophète, ce Coran est un moyen symbolisé par une corde dont l'une des extrémités est dans la main d'Allah et l'autre est à la portée de vos mains. La communauté musulmane est une communauté d'action. Si le Coran ne se récitait que d'une seule manière et qu'il est parvenu jusqu'à nous, c'est déjà un miracle. Mais le fait qu'il comporte plusieurs variantes, qu'il soit lu de différentes manières, y compris les nuances phonétiques et les modes de prononciation et la prolongation des voyelles, ça, c'est plus qu'un miracle. Un ajib. Le med ou l'aïka, c'est un med lazim. C'est une prolongation obligatoire. 4 harakats au minimum. Oulaïk. Elle a été rapportée de la bouche du Qurra jusqu'au prophète. Vous vous rendez compte? Même la prolongation en 4 temps, même cette prolongation, pas seulement les lettres et les mots, donnez-nous un livre qui soit écrit de cette manière. Subhanallah. Non seulement les qira'at ont été préservées, mais les riwayat, les toroq, les aoujouf. Vous savez, les qira'at, c'est une science, un océan. Subhanallah. Nous connaissons beaucoup de choses, c'est-à-dire, ajib, comment notre Coran est préservé. Quand quelqu'un récite Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum sharru al-bari'a. S'il récite de cette manière, nous savons bien qu'il a récité selon qira'at nafi'. Hein? Selon Qira'at Nafi', c'est très simple. Ibn Dikwan aussi, s'il dit Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bari'a. S'il prolonge entre Khalidin et Fiha Abada, il prolonge six harakats après avoir fait le naql, c'est-à-dire min ahli. Hein, nous savons qu'il a récité selon la tariq al-azraq. C'est-à-dire, nous savons qu'il a récité selon la qira'a de Nafi', et nous savons qu'il a récité selon la riwaya de Warsh, et s'il prononce six harakats, nous savons qu'il a récité selon le tariq al-azraq. Parce que l'Asbahani, l'autre tariq, récite selon deux harakats. S'il dit « Khalidina fiha ulaik »« Khalidina fiha ulaik hum sharrul bari'a » Nous savons que c'est Tariq al-Asbahani. S'il dit « Khalidina fiha ulaik » Là, nous savons que c'est Tariq al-Azraq. Ajib. Même le temps de prolongation d'une voyelle est préservé. Donnez-moi un livre qui soit lu de cette manière. Cinquième sagesse. Et ça, c'est l'une des raisons les plus sages de cette diversité. C'est l'allègement. C'est faciliter la tâche à la communauté. Cette diversité tient compte de la diversité des langues et des dialectes. Le message coranique est un message universel. Tu n'as pas assez de souffle pour réciter selon Qira'at Warsh ou de Hamza, bah récite avec la moyenne prolongation ou le cours Hafs par exemple, dans le Med 10 juin, il récite deux harakats tout simplement. Khalidina fiha abada, il ne prolonge pas. Ou le cours aussi, il y a d'autres Qira'at, tu peux le réciter selon le un Med d'une prolongation courte. Par contre, le med de Muttasil, le med qui est à l'intérieur d'un même mot, c'est un med obligatoire. C'est un med obligatoire. Quand la hamza est à l'intérieur d'un nom, comme le bari, ça c'est dans Warsh, le bari A. Il y a des exemples. Des exemples comme ça où le hamza est à l'intérieur du mot, là le med est obligatoire, s'il est précédé par un alif. Ce med est obligatoire parce qu'il fait partie du mot. Il est obligatoire chez tous les qurra'. La preuve, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Hadith Ibn Mas'ud rapporté par Tabarani, il est qualifié de Hassan par Sheikh Al-Albani. Ibn Mas'ud, une personne récitait devant lui. Il récitait ce verset. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum. Dans sourate At-Tawba. Et la personne, il a récité comme ça. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha. Il n'a pas prolongé le med du hams. Et Ibn Mas'ud, il a dit non, ce n'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a fait réciter. Il a dit ce n'est pas comme ça, il faut prolonger. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i. 4 harakat ou même plus. Ce med est obligatoire. Donc, cette diversité, bon, comme j'ai dit, elle respecte la diversité des langues, des dialectes des gens. Il y a des gens qui emphatisent les lettres, d'autres parlent, ils amincissent les lettres comme la voix d'une femme. Là, la qira'a d'Al-Kisa'i, il convient à ces gens-là qui amincissent les lettres. Cette diversité aussi des qira'at est l'un des aspects de l'i'jaz, de l'inimitabilité du Coran. Une seule graphie est lue de différentes manières. Comme sagesse aussi, c'est que cette diversité, elle a été enrichissante. Elle a enrichi la langue arabe. Avec cette diversité, j'ai plusieurs sens. Diversité linguistique et lexicale. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Parce que le Hafs, dans Riwayat Hafs, كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة سرون رواية ورش عن نافع كيف ننشرها المكي والسيل غسيت كمسة ابن كثير المكي وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة regard ces ossements comme nous les ressuscitons et les revêtons ensuite de chair hein? ننشزها ننشرها ننشرها c'est quoi nous leur donnons la vie. Et ça, les fuqaha, ils ont tiré argument de ce verset. Ils ont dit que la vie entre dans les os. Et donc, si la vie entre dans les os, on ne peut pas s'en servir une fois que l'animal meurt. Hein? Et ils ont dit, bon, puisque la vie était à l'intérieur, quand l'animal meurt, ses os deviennent impurs et donc on ne peut pas s'en servir. Hein? Donc, j'ai là un sens. Nunshiroa, c'est-à-dire... nous leur donnons la vie, nous donnons la vie à ces ossements. C'est bon? Selon l'autre qira'at, l'autre qira'at d'Asim, وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمَ نُنْشِزُهَا عَاصِم ابن عامر aussi, Hamza. نُنْشِزُهَا نُنْشِزُهَا c'est quoi? نُنْشِزُهَا c'est nous les dressons et nous les élevons. C'est-à-dire des ossements dispersés par terre, ils ne peuvent pas se dresser d'eux-mêmes. Un squelette debout. Squelette debout, il ne peut pas se mettre debout que si la vie est entrée. Nunshizuha, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dressé les ossements de l'âne. Comme dans le verset de Surat al-Baqara. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. L'homme qui est arrivé près d'une cité et qu'il a vu qu'une cité détruite, il dit comment Allah peut ressusciter cette cité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait mourir lui, il a fait mourir son âne. Il était avec son âne, l'âne et lui il est mort et l'âne est mort. Hein? Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité après un siècle. فأماته الله مئات عام ثم بعثه. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité et il lui a fait voir les ossements. Comment il leur donne la vie. Il dit, selon Qira'at du Hasim, il dit وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمَا. Regarde les ossements, comment nous les dressons. Comment, regarde un squelette qui se met debout. Et puis après ça, le squelette, on le revêtit de chair. Il a regardé la scène. Et subhanallah, les ossements ne peuvent pas se dresser que si déjà la vie y est entrée. Alors là, cette qira'at, qu'est-ce qu'il a fait? La qira'at nunshizuha, il a complété l'image, la scène de ce miracle. Comment les os ont bougé. Et c'est comme si la vie était entrée dans les os. Les os, par un mouvement, se sont dressés. Chacun a pris sa place. Ensuite, les os furent habillés de chair. Vous avez vu comment les deux qira'at se complètent et décrivent la scène. Ajib. Dans surat Takwir. Qira'at ibn Kathir al-Kisa'i wa Abu Amr. وما هو على الغيب بظنين avec le ضاد avec le trait en haut وما هو على الله سبحانه وتعالى décrit le prophète sallam il a dit وما هو على الغيب بظنين il n'est pas suspect concernant la révélation concernant الغيب الغيب ici c'est la révélation ظنين ça vient de la ظنّة c'est-à-dire le soupçon l'accusation suspect, c'est-à-dire que le prophète n'est pas suspect, qu'il est hors de tout soupçon concernant sa transmission du Coran, concernant la source divine de ce qu'il transmet. Bizanin. Et nous avons la qira'a, par exemple, Hafs, Nafi' et autres, nous avons qira'a tu ma huwa ala al-ghaybi bidanin, avec l'audat tout simplement. Bidanin, danin veut dire bakhil, avare. C'est-à-dire que le prophète n'est pas avare de révélation, il ne dissimule pas la vérité. Hein? Mais il la transmet. Il transmet la révélation. Donc, des deux qira'at, j'ai deux sens. La probité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il propage la vérité et ne la dissimule, il ne la dissimule pas. Il y a beaucoup d'exemples. Wamsahu, comme dans surat al-Ma'ida. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سورة المائدة سور لو فيرسي سور لو تيمم سور الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue d'accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, et passez vos mains sur votre tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc, d'après cette qira'a, le passage vos pieds, parce qu'il y a passez vos mains sur votre tête et la suite et vos pieds jusqu'aux chevilles. Mais là, selon la qira'a arjulakum, il y a une fatha sur la lame. Qu'est-ce qu'il m'indique? Ben, il m'indique que vos pieds jusqu'aux chevilles, il fait partie du régime du verbe irsilo, laver. Laver, il est au cas direct, c'est un ma'touf, puisqu'il est affecté d'une fatha sur le lame. Donc, ma'touf ala wujuhikum, c'est-à-dire il suit le régime du visage. Lavez vos visages, vos mains et vos pieds, parce qu'il y a la fatha. Cette fatha m'indique qu'il faut laver les pieds. Selon une autre qira'at, donc la qira'at que je vous ai dit tout à l'heure, wa arjulakum ila al-ka'bayn, c'est ce que vous lisez dans le Coran, Hafs an-Asim, Hafs Asim al-Qari, Nafi'u ibn Amir, qui sait aussi le récit comme ça. L'autre qira'at c'est wa msahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم سبا ارجلكم سبا لا فتحه لا جي لا كسره سولولام وارجلكم دونك لي بي جوسكو لي تيرم لي بي جوسكو شيفي ils suivent le régime du verbe passer les mains, c'est-à-dire passer les mains sur la tête et passer les mains sur les pieds. Donc de la première qira'a j'ai déduit le lavage des mains, et la deuxième qira'a on peut déduire le passage des mains sur les chaussures, sur le mas'h 'ala al-khuffayn, qui est confirmé par les hadiths authentiques. Donc j'ai deux sens et j'ai deux statuts juridiques à partir de deux qira'at. Vous avez compris, mes chers frères, mes chères sœurs, comment la diversité des qira'at enrichit le fiqh, enrichit l'exégèse, enrichit la langue arabe. Comme autre sagesse, c'est que certaines qira'at mettent en évidence certains points qu'on ne peut pas déduire d'une autre qira'a. Ça donne plus d'éclaircissement. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la sourate le vendredi, fas'au ila dhikrillah, c'est-à-dire accourez, idha nudiya lis salati min yawm al-jumu'ati, fas'au ila dhikrillah, lorsque l'appel à la prière du vendredi est lancé, alors fas'au. Il a décrit là, fas'au, ça veut dire courez vers le dhikr, ça veut dire courez vers la mosquée. Mais il y a une autre qira'a qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Famdo ila dhikrillah, ça veut dire marcher, s'aïsser à grande vitesse. Et là, je comprends à partir de famdo ila dhikrillah, on comprend qu'il faut se rendre à la mosquée en marchant et non pas en courant. Bon, ça aide quoi. Donc cette qira'a elle est chadda, c'est-à-dire elle n'est pas acceptée, elle n'est pas canonisée, et pourtant ça m'a aidé à comprendre certaines choses dans le Coran, dans qira'a authentique. De même par exemple la qira'a hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, soyez assidus aux prières et en particulier à la prière médiane. Là il y a une qira'a de Aisha et Hafsa, il récite la prière médiane, la prière du Asr. La prière du Asr. Donc, ce qira'at, bien que non ratifié, aide à comprendre certains versets, comme a dit Abu Ubaid dans son livre Fada'il Qur'an. Ce qira'at, même marginal, ou même ce qira'at rapporté selon une seule chaîne de rapporteurs, sont les mufassirines, les exégètes s'en servent. J'ajoute que cette diversité, un côté, ça c'est moi qui l'ajoute comme ça, cette diversité a un côté esthétique, c'est-à-dire différentes qira'at, différentes mélodies, les qira'at avec la imala, avec l'inclinaison, sous ces différentes formes, chez le Kisa'i, Hamza et Warsh. La prolongation des voyelles, elle est belle à entendre chez Warsh. Le secte, la pause qu'observe Hamza du soukoun qui précède le Hamz, il est vraiment beau. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Ajib, hein? Il fait un sexe du lam parce qu'il porte le sukun et parce qu'il y a après lui une hamza. Les autres disent walal akhiratu. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Ça c'est qira'at. Ah, c'est mais d'autres. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Warsh. Hein? Hamza. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Quand il s'arrête, Hamza, la Hamza, il ne la prononce pas. Le sect, c'est Hafs. Waqila man raq. Kallabal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal. Et je m'arrête, une pause. Sans respirer, attention. Si je respire, ce n'est pas un sect. Kallabal. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ورش كلا بران. Il fait même l'idgham entre le lam et le ra. Donc ces qira'at là, ça me donne différentes. Tu as 10 qira'at, chaque qira'a avec 2 riwayat. J'ai 20 riwayat, chaque riwaya a plusieurs toruq. Une diversité de façons de réciter. Et si en plus de cela, la personne qui récite a une belle voix, alors là, tu as diverses mélodies qui t'emportent loin dans le monde spirituel. Le sama' coranique. Hein? Le sama' qui te fait vibrer, qui t'émeut, qui te procure une extase intérieure. Allahu nazzala أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله fait descendre le plus beau des récits, un livre harmonieux, متشابه. Et مثاني, c'est مثاني où alterne les promesses et les menaces, les qualités des gens du bien, les qualités des gens du mal, le paradis et l'enfer. أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent à l'écoute des versets qui inspirent la crainte, hein? Puis elles s'adoucissent à l'écoute des versets qui inspirent le désir du paradis. Et leur cœur s'apaise au rappel d'Allah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar. Réaction. C'est un sama'. Il te fait vibrer. Il t'émeut. Ta peau frissonne. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est invoqué, ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui s'en remettent à Allah. Surat Al-Anfal, le deuxième verset de Surat Al-Anfal, Surat 8. Et quand leur cœur s'émeuve, quand ils frémissent à l'écoute des versets d'Allah, quand leur âme vibre à la voix mélodieuse des récitants et leur esprit goûte les sagesses des paroles divines, leur peau frissonne. Dans ce cas, comment réagit le corps? Comment il réagit? Est-ce qu'il danse comme dansent les pervers au rythme d'une musique tapageuse? Non, pas du tout. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Dès qu'on leur récitait les versets du tout miséricordieux, ils tombaient prosternés en pleurant. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Maryam. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Allah dit dans Surat Isra. Ils tombent prosternés, le visage par terre, hein, en pleurant, et leur humilité grandit. Subhanallah. Cette diversité est subhanallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, il donne toujours en compensation quelque chose de meilleur. Il interdit les musiques tapageuses, toutes ces sortes de musiques, et il y a le sama' coranique qui est très beau, mélodieux, vibre, et il te compense. En plus, c'est un sama' intelligent et il t'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu goûtes les versets, tu goûtes soit par ton intelligence ou tu le goûtes par ton âme et ton cœur, et tu en es récompensé. Cette diversité est enrichissante. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son livre de béni. C'est un livre béni. C'est normal qu'il soit comme ça. J'ai dit cette diversité est enrichissante. Elle est très instructive. Que ce soit le Coran, le Hadith, les écoles, dans les écoles juridiques, cette diversité elle nous a servi. Elle est une caractéristique de notre religion. Nous avons, alhamdoulilah, des qira'at. Il y a même plus. Seulement, le choix de la communauté a porté sur ces qira'at-là qui ont été fixés par Ibn Mujahid et Ibn al-Jazari. Et nous avons quatre écoles juridiques. Et nous avons plus, c'est-à-dire l'école Awza'i, l'école de Layth, Ibn Sa'd, l'école d'Abu Thawr, l'école de Sufyan Thawri, Tabari Ibn Jarir, là ça aussi un madhab, mais n'ont pas joui de l'entretien, de la préservation, comme ces quatre écoles-là, à savoir l'école Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Nous avons une diversité qui est enrichissante, qui nous a élargi la voie. Certains frères, Allah Ajib, ils sont allergiques à cette diversité. Ils ont un problème, ils ont quelque chose dans la tête. Ils restreignent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est large. Allah a fait en sorte que sa voie soit large, qu'il y ait une diversité pour donner à la communauté plusieurs choix, une gamme de choix. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent à tout prix que cette voie soit étroite. Plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Or, le seul chemin qui a ces caractéristiques-là, c'est le sirat du jour de la résurrection. Le pont jeté sur l'enfer que les gens traverseront. Certains tomberont, certains le franchiront selon leurs œuvres. Et il y en a qui le franchiront à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du cheval, etc. Vers le paradis. C'est le pont, le sirat. Vous le connaissez? Cette voie-là, c'est cette voie-là qu'Ibn Mas'ud a décrit comme étant plus fine qu'un cheveu et plus tranchante qu'une épée. C'est cette voie-là. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi un manhaj qui a cette description. Très étroit. En moindre mouvement, tu tombes. Tu tombes où? Tu tombes dans leur feu. Poum. Soit le feu du tadbdi', ils te taxent de mubtadi', du hizbi, le répertoire d'insultes qu'ils ont, qu'ils l'apprennent par cœur. D'autres te taxent carrément de kafir, de mécréant, tendance takfir. Et la voie d'Allah est large. Et c'est une voie de juste mesure entre le laxisme et le rigorisme. Inch'Allah, nous allons passer maintenant à la sous-branche du mode de prononciation. C'est-à-dire l'ada, ce qu'on appelle l'ada. L'ada dans l'itqan, c'est, nous traitons le 34e chapitre. Fi kayfiyati tahammulih. Nous allons parler d'abord de ce qu'on appelle dans le langage des Qurra l'ada, c'est-à-dire la manière d'apprendre le Coran. Il y a deux manières de mémoriser le Coran. Il y a l'écoute de la récitation du cheikh ou la récitation du Coran devant le cheikh. C'est ce qu'on appelle l'ard ou sama'. C'est ce qu'on appelle l'ard ou sama'. Il n'y a que ces deux manières concernant le Coran. Vous savez, généralement, les méthodes d'apprentissage, il y a l'ijaza, où le cheikh autorise à l'élève de rapporter ses hadiths, ses récits. Il y a la munawala, la wujada, il y a rapporter ce qu'on a trouvé dans le livre du cheikh avec sa chaîne de transmission. Il y a la wasiya, etc. Bon, il y a d'autres méthodes. Je ne vais pas en parler, donc ça concerne surtout le domaine du hadith. Il n'y a que ces deux méthodes concernant le Coran. Pour être un qari', celui qui les a inaugurés, c'est qui? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque mois de Ramadan, une réunion avec Jibril. Jibril récitait et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutait. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait et Jibril écoutait. Mise au point et révision. Il appliquait cette méthode, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appliquait cette méthode avec les compagnons. Enfin, la récitation. Il appliquait la récitation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait et les compagnons écoutaient. Le hadith d'Ibn Mas'ud, il a dit, j'ai appris de la bouche de l'envoyé d'Allah 70 sourates. Les compagnons n'avaient pas besoin de réciter le Coran devant le prophète pour corriger leur prononciation. Ils parlaient l'arabe avec éloquence et commentaient pas d'erreur de lahn, c'est-à-dire où ils mettent la fatha au lieu de la kasra ou la damma, etc. Les terminaisons, ils les respectaient, ils savaient, c'était des arabes. Je veux préciser une chose ici, c'est que concernant le qira'a et la riwaya, c'est-à-dire le qira'a, c'est le qari', sa qira'a, on appelle qira'a la lecture du qari', les disques que j'ai cités dans les cours précédents, hein, Nafi', Asim, Hamza, Al-Kisa'i, Abu Amr, Ibn Al-Ala, etc. Et leurs disciples, quand ils prennent une version de cette qira'a, on appelle ça la riwaya. Et puisqu'ils ont, bon, ils ont un lien avec ce chapitre-là, je vais en parler. C'est que pour un même qari', par exemple, Asim ou Nafi', il y a différentes riwayats, différentes lectures. Asim ibn Abi Najoud, Asim c'est un qari'. Parmi ses disciples connus, c'est Hafs, que vous connaissez, et Shu'ba. Et la riwaya de Hafs diffère de celle de Shu'ba. Il diffère. Pourquoi? Comment ça se fait que deux disciples et deux riwayats différentes? C'est que Asim a appris à Hafs une qira'a différente de celle de Shu'ba. Ibn al-Jazari rapporte que Hafs a dit à Asim, le disciple a dit à son maître, il a dit Abu Bakr, ça veut dire Shu'ba. Il a dit Abu Bakr a une lecture différente de la mienne. Et Asim, le maître, lui répondit, je t'ai appris la lecture que j'ai reçue de Abdurrahman As-Sulami, lequel l'a reçue de Ali ibn Abi Talib. Et j'ai appris à Shu'ba la lecture que m'a enseignée Zir ibn Hubaysh, lequel l'a rapportée de la bouche de Abdullah ibn Mas'ud. C'est ce qui fait qu'il est variant, c'est ce qui fait qu'il y a ikhtilaf des deux riwayats. Pareil pour Qaloun et Warsh, qui sont tous les deux des disciples de Nafi'. Vous savez que Nafi', il a reçu la qira'a de 70 tabi'in. Il a ce qu'on appelle ikhtiyarat, un choix, des choix personnels. C'est bon? Et il choisit entre les ahrof, entre les modes de prononciation de tel, il choisit ce qui est proche de la langue arabe, et ce qui sonne bien, et ce qui est conforme à la lecture générale du Coran. Hein. Il y a ce qu'on appelle les choix. Il reçoit la lecture d'un tel, puis choisit, bien sûr. Baqaloun est un disciple de Asim, Warsh aussi. Qaloun, par exemple, il dit Nouallihi ma tawalla. Il ne prolonge pas Nouallihi le ha. Il ne la prolonge pas. Warsh, il dit Nouallihi ma tawalla. Le ha, il la prolonge. Warsh, il dit Wa yu'azzibu man yasha'a. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Il met le سكون à la fin du ra. قالون, il dit ويعذب من يشاء. Il fait l'idgham, l'illusion entre le bas et le mim. ويعذب من يشاء. ورش ويعذب من يشاء. Il fait la séparation. قالون وبئر معطلة وقصر مشيد. ورش وبير ان برونس با لا همزه. وبئس المصير قالون كم كم كم عاصم كم حفص. ورش وبيس الذئب قالون سي حفص. ورش الذيب ان برونس با لا همزه. Qanun était le beau fils de Nafi'. Il était collé à Nafi'. Il a fait des centaines de khatma, c'est-à-dire l'arrestation du Coran en entier devant Nafi', une centaine de fois. Au point que Nafi' s'est lassé de Qanun. Il était collé à lui. Il lui a dit une fois, va vers une des colonnes de la mosquée pour apprendre aux gens la récitation. Warsh est un Égyptien. Il est venu d'Égypte et a reçu de Nafi' une qira'a différente de celle de Qanun. Et dans la riwaya de Nafi', on trouve beaucoup les osoul, la prolongation d'Abu Ja'far. Enfin, c'est ce qui a fait qu'il y ait des différences. C'est que parfois le disciple, ce qui fait qu'il y ait des différences, des variantes comme ça entre les riwayats, c'est que parfois, bon, le disciple il vient et il dit à son cheikh, au qari, il dit, apprends-moi la qira'a que tu as reçue de tel qari. Comme a demandé Yaqub al-Azraq à Warsh. Il lui a dit, apprends-moi la lecture de Nafi', pure comme elle est, et tu laisses ce que tu as choisi pour toi-même. La question des choix, Khtiyarat, est l'une des subtilités de la science de la qira'a. Ahmed ibn Hanbal, il avait un ikhtiyar, il avait un choix entre les qira'at. Shafi'i aussi. L'ikhtiyar se fonde sur la transmission orale. Le choix entre les versions qu'il a entendu de la bouche des chouurs. Parmi plusieurs ahrof, il choisit certains qui conviennent mieux à la langue arabe. Alors, on va parler maintenant de maratib al-ada', les rythmes de la prononciation. Rythme de la prononciation, c'est ce qu'on appelle en arabe le maratib al-ada'. On distingue trois niveaux de lecture. Trois niveaux. C'est le tahqiq, la précision dans la prononciation, le tahqiq. Le hadr, c'est la récitation rapide, la récitation dynamique. Et le tadwir, qui est un niveau intermédiaire. Pourquoi trois? Pourquoi trois niveaux? Ben, cela dépend des motifs et des objectifs. Si on veut apprendre, on veut exercer sa langue au Coran, connaître la phonétique, les règles relatives des lettres, bon, on emploie le tahqiq, on allonge les voyelles longues. Si on est devant une lettre qu'on peut prolonger, bon, deux ou quatre ou six ou six tons, on la prolonge six, comme dans Warsh. Il n'y a généralement pas de qasr dans le tahqiq. On ne fait pas de raccourcissement de la prolongation. C'est-à-dire on suit ce qui est pas le minimum, le maximum dans le tahqiq. Les voyelles courtes, on respecte leur temps. La runna, on respecte sa prolongation en deux temps. Famayyamal, on respecte la runna bien nette. Là où c'est autorisé d'arrêter, on s'arrête. Pas seulement dans les endroits où il est obligatoire de s'arrêter, non. Mais même quand c'est seulement autorisé d'arrêter, on s'arrête. Quand il y a élision, on sépare les lettres. Comme avec Izzalamu qira'at Hafs, riwayat Hafs, il dit Izzalamu, il fait entrer le zel dans Zad. Nous, dans le tahqiq qu'on fait, on essaie de séparer un peu les lettres. On fait un peu séparer les lettres avec le secte pour bien les prononcer. La shadda, on l'accentue comme il faut, ça. Ces choses-là, on les apprend de la bouche du cheikh. On les apprend de la bouche du cheikh. Il y a des qira'at auxquelles le tahqiq ne convient pas, comme la qira'at d'Ibn Kathir al-Makki. Et dans la qira'at d'Ibn Kathir al-Makki, il y a beaucoup de raccourcissements dans la prononciation. Il y a le qasr, dans le med, il y a toujours, il se contente juste de deux tons et il ne s'arrête pas à la fin des versets. Il ne fait pas comme al-Basri qui s'arrête à la fin de chaque verset. Warsh, selon le Tariq d'Al-Azraq et Hamza, le tahqiq leur convient. Les Marocains, avant, ça c'est juste pour. Pour l'information, les Marocains, ils récitaient avant selon Hamza. Et quand le Ghazi ibn Qays est venu à la fin du deuxième siècle de l'Hégire, le Ghazi ibn Qays est mort en 199 de l'Hégire. Le Ghazi ibn Qays, il est venu avec la Qira'a de Nafi', avec ses deux riwayats, Warsh et Qalun. Les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Marocains, ils ont choisi la riwaya de Warsh. C'est une riwaya qui est la plus proche de la Qira'a de Hamza. Hein? C'est une riwaya médinoise. Bon, les Marocains sollicitaient la bénédiction de la cité, de cette cité sacrée, dans laquelle il y a le haram. Et Malik est médinois. Les Marocains ont adopté le madhhab de l'imam Malik. Vous savez ça? C'est Yahya, Ibn Yahya al-Laythi est un Marocain et éminent savant. Et c'est lui qui a répandu le madhhab malikite en Espagne avec Issa ibn Dinar. Issa ibn Dinar. Ces deux grands savants, ce sont les deux qui ont répandu le madhhab malikite au Maroc. Yahya ibn Yahya al-Laythi, il est mort en 234 de l'Hijr. C'est un berbère de la région de Masmouda, du Maroc. Et il est allé de l'Espagne musulmane, l'Andalus, à Médine. Il rencontra Malik. C'était la fin des jours de l'imam Malik, peu avant sa mort. Une fois Malik était entouré de ses élèves, et quand il était comme ça entouré de ses disciples, et quelqu'un cria de l'extérieur qu'on a ramené des éléphants à Médine. Les Médinois ne sont pas habitués à voir les éléphants. Et tous les élèves de Malik sortirent voir les éléphants. Sauf Yahya ibn Yahya al-Laythi. Il est resté seul avec l'imam Malik. Malik lui demanda, il dit, pourquoi ne sors-tu pas pour voir les éléphants? Il n'y en a pas en Espagne. Il n'y en a pas. Les éléphants ne se trouvent pas dans l'Andalus. Et Yahya, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a répondu? Il a dit, je ne suis pas venu ici pour voir les éléphants. Je suis venu pour te voir, toi, et apprendre la science de toi. Et à Malik le surnomma l'intelligent, le raisonnable, l'aqil. Il surnomma Yahya ibn Yahya al-Laythi l'aqil. Et il garda ce surnom pour toujours, Yahya l'aqil. La version du Muwatta de Malik, la plus authentique et la plus adoptée dans le monde musulman aujourd'hui, est celle de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Il vient du Maroc. Subhanallah, il est venu du Maroc, un berbère, et il a surpassé tous ses rivaux à Médine jusqu'à gagner le privilège d'être le rapporteur le plus crédible du Muwatta de l'imam Malik. La science l'a élevé. Il est allé en Égypte, c'est Layth ibn Sa'd, Layth, c'est un grand savant, au point que l'imam Shafi'i, il préférait Layth à l'imam Malik. Il dit que Layth est plus savant que l'imam Malik. Seulement, l'imam Malik avait beaucoup de disciples, mais Layth n'avait pas beaucoup de disciples. Et Yahya ibn Yahya al-Layth, il est allé voir l'imam Layth ibn Sa'd. Une fois, Yahya voulut monter une monture, c'était un chameau, je ne sais pas. Et là, Layth, il prit la bride de la monture pour que Yahya la monte, par respect pour Yahya al-Layth. Et quand le domestique de Yahya al-Layth voulut prendre la bride à la place de l'imam Layth ibn Sa'd, Layth le poussa et dit à Yahya, la science t'a servi. Khadamak al-ilm. L'ilm t'a servi. L'ilm n'est pas l'apanage des Arabes, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Écoutez, parmi les sept qurra, Nafi, Asim, Kisa, Ibn Kathir, Al-Makki, Hamza, tous ceux-là ne sont pas des Arabes. Certains disent Ibn Amir aussi. Ibn Amir. Six parmi les sept qurra ne sont pas des Arabes à l'origine. Hein? Le Kisa'i qui est un imam en langue arabe n'est pas un arabe. Sibawayh, le géant de la grammaire arabe, est d'origine perse. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est une question de volonté, juste une petite histoire avec laquelle je vais terminer ce dars, inshallah, pour continuer le tahqiq, le tadwir, le hadr la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.